L'alligator par J.H. Rony aîné. Lorsque je cherchais ma destinée sur la terre libre, raconta James Springbush, je rencontrais un matin Joe Kennedy au bord du fleuve. Joe ramenait du désert sa fille et un compagnon taciturne qui regardait le ciel et la terre avec méfiance. Les deux mâles cachaient des pépites d'or dans leur ceinture, comme je l'ai bien su plus tard. Tous trois avaient connu la férocité des éléments et l'embûche des hommes. Ils revenaient vainqueurs. Il y avait du bonheur sur eux, l'âpre et dur bonheur qu'on arrachait au vent, au soleil et à la pluie. Kennedy avait un visage sec d'Écossais, rude et attentif, des yeux qui sondent la terre et des bras qui manieraient encore l'âge, quand même il atteindrait l'âge de Gladstone. Le compagnon, plus jeune de 20 ans et qui se nommait Marble, montrait une tête longue, des traits roides et des prunelles terriblement vigilantes. Quant à la fille, l'air et la forte lumière l'avaient hâlée. Mais c'était une teinte fine qui convenait aux longs yeux flammés, aux lèvres rouges comme la vigne vierge en automne, à la chevelure paille d'épeautre. Elle avait l'allure des oréades. Le sang qui coulait en elle était aussi frais que la jeunesse du monde. J'eus le sentiment que ces trois êtres emportaient avec eux tout ce que je cherchais éperdument et ne trouverais peut-être pas dans mon bref pèlerinage. Et j'enviais terriblement Marble, lorsqu'au détour de la conversation, je compris qu'il était fiancé à la belle-fille. Puis, ayant mangé avec eux le pemmican, la tortille de maïs et bu l'eau du fleuve, je repartis à l'aventure. L'heure suivante, mon sort, à ce que je croyais, ne devait jamais rejoindre le leur. Quoique je me dirigeasse assez proprement, je commis une ou deux erreurs de marche en voulant couper la boucle du fleuve, si bien que le deuxième jour, vers le crépuscule, je revis Marble et la fille aux longs yeux. Ils étaient debout, auprès de l'eau verte, à l'ombre et orange de soleil. L'homme avait l'air grave, la girl était pâle et tragique. Quand je fus proche, ils se tournèrent. Marble me considéra en sa manière ennemie. Puis ils m'apprirent que le vieux était mort. Il avait voulu prendre un bain dans une crique. Un énorme alligator, fils de reptile préhistorique, l'avait saisi à la cuisse et ne l'avait pu repêcher que la moitié du cadavre. « Je massacrerai la damnée vermine !» s'écrie Marble. Je vis bien qu'il parlait ainsi pour Harriet Kennedy, parce qu'il l'aimait et que l'amour portait l'héroïsme. Comme le soir allait venir, j'obtins de passer la nuit près de leur bûcher. Nous soupâmes ensemble d'une outarde au clair du feu et de la lune. La vie s'élevait pleine et magnifique, avec l'odeur de l'eau, de l'air et des herbes. Tout était jeune, l'âme s'emplissait de rêves. Cette jeune Harriet fut l'image de tout ce qui est bon et passionnant sur la terre. Alors je songeais avec mélancolie à mon existence incertaine et pauvre. Qui sait si je n'errerais pas jusqu'à ma vieillesse, misérable et sans amour, ou si la mort ne me guettait pas au tournant des collines? Et cette fille brillante, que j'aurais pu toucher en avançant la main, elle est aussi lointaine que l'étoile qui se levait au ras de l'horizon. Il arriva qu'Harriet, épuisée de chagrin, s'étendit sur un monceau d'herbe bleue et s'endormit. Marble considéra avec une ardeur jalouse l'allure du visage et des cheveux. Il secoua la tête avec une brusque confiance et murmura « Elle sera ma femme ». La clarté du feu dansait sur sa face rude. Il médita un moment, puis il reprit « Si je pouvais seulement massacrer l'alligator !»« Comment le reconnaîtrez-vous » fis-je. « À sa taille, compagnon, il ne doit plus y en avoir d'aussi grand. » Il se leva. Il se dirigea vers le fleuve. Il regarda longtemps au large, vers un îlot où poussaient de verne et de la broussaille. Brusquement, je le vis qui rejetait ses vêtements et entrait dans l'eau, son couteau bowie aux dents. Je courus au rivage. Le corps blanc de l'homme nageait vers l'îlot, une masse grise remua, qui semblait un tronc de sol. Des épaves s'interposèrent, puis j'entendis un long cri terrible qui avait le son de l'agonie. Et il n'y eut plus rien. Le fleuve roulait intarissable sous les astres. Je fis d'ailleurs ce que je pus pour repêcher Marble. J'exposai même ma vie. Mais son corps ne se trouva jamais plus. Ainsi j'étais seul dans le désert, avec Harriet Kennedy et les ceintures des morts pleines de pépites. Après des journées et des journées de marche, on ne rencontrerait probablement pas un seul homme. Nous étions deux créatures humaines avec les fauves, la savane, le fleuve et le vent. Tout le destin était retourné. Il avait suffi d'une bête obscure pour remettre entre mes mains la fille et l'or dont me séparaient hier deux hommes redoutables et toutes les choses sévères que ceux de ma race respectent. Toutefois, j'étais loin encore d'Harriet. Mais les jours s'accumulèrent. Nous mêlions notre fatigue, nos luttes et nos soucis. Je cherchais la proie. J'assemblais le bois du campement. Nous dormions auprès du même feu. Un lien se formait entre nous, qui avait la force immense des choses primitives, si bien qu'un matin, alors que les villes étaient encore lointaines, nous connûmes que nous ne nous séparerions plus. Nous le connûmes sans une parole ni un baiser, car le désert était autour de nous et il fallait respecter la fille qui dépendait de ma force et de mon courage. Mais notre amour était aussi solide que le granit. Je suis de ceux dont la vie est bonne. J'ai l'amour, la fortune et de beaux enfants. Pourtant, l'orgueil n'a pas touché mon cœur. Je sais mieux que la plupart des hommes la force terrible des circonstances. Tout mon sort n'eût-il pas été changé si un reptile, perdu dans la nuit des bêtes, n'était sorti de l'œuf que sa mère avait pondu au bord d'un fleuve sauvage. C'était l'Alligator par J.H. Roni-Aîné.